13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Ce fait divers n'aurait pu faire que quelques lignes dans les journaux. Le cadavre d'un petit malfrat est retrouvé dans une décharge publique. À l'évidence, il a été victime d'un règlement de compte, une histoire banale, sans intérêt. Et pourtant, cette affaire va provoquer un tumulte sans précédent et elle obligera les plus hautes autorités de l'État à s'y intéresser. Peut-être avez-vous reconnu l'affaire Markovitch, Stéphane Markovitch. Une affaire qui va empoisonner les derniers mois de pouvoir du général de Gaulle. Une affaire qui va envenimer à jamais les rapports entre le général et son successeur, Georges Pompidou. Pourquoi M. X a-t-il choisi cette semaine d'évoquer ce dossier? Comment pouvait-il avoir des lumières sur cette histoire politico-policière? Avant de vous brosser à grands traits la genèse de cette affaire, je vous propose d'écouter tout de suite le début de notre entretien. Je lui ai d'abord fait part de mon étonnement. Voici sa réponse. Cette histoire, Markovitch, a été la pire épreuve que nos services secrets aient eu à subir. Mais attendez, quel est le rapport avec les services secrets? Bon, écoutez, je vais essayer de vous le raconter dans le détail, mais sachez quand même tout de suite que cette affaire a été à l'origine d'une vraie purge et que le SDEC ne s'en est jamais tout à fait remis. Même l'affaire Benbarka n'a pas provoqué autant de dégâts, c'est dire. En tout cas, ça démontre que les services spéciaux ne doivent jamais sortir de leur mission première. C'est-à-dire la recherche du renseignement ou la neutralisation des agents ennemis. Dès qu'ils s'en écartent, c'est le dérapage. Mais même plus loin, c'est aussi une grave atteinte à la démocratie. Tout commence le 1er octobre 1968. Ce jour-là, un ferrailleur, M. Haro, est intrigué par un curieux et volumineux paquet qui a été jeté sur la décharge d'Élancourt, une commune des Yvelines. Sa curiosité professionnelle fait qu'il entreprend de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac de jute. Il le découpe. Sous le sac, il y a une sorte de housse en plastique, et sous le plastique, le ferrailleur horrifié devine la forme d'un cadavre ensanglanté. Le corps est très vite identifié, car l'homme, comme l'on dit, est bien connu des services de police. Il s'agit d'un certain Stéphane Markovitch, un Yougoslave âgé de 31 ans. Un type pas très recommandable qui a déjà été mêlé à plusieurs trafics louches. Son visage, qui porte la marque de coups très violents, indique qu'il a sans doute succombé après avoir reçu une sévère correction. Plus croustillant, les policiers chargés de l'enquête découvrent que ce petit malfrat était très introduit dans le monde du show business. Costaud, beau gosse, il était en particulier très proche d'Alain Delon, auprès duquel il avait tenu la fonction de secrétaire et de garde du corps, et à l'occasion, il avait aussi servi de doublure à Delon. Depuis la séparation des époux Delon, il vivait dans un hôtel particulier appartenant à l'acteur, avenue de Messine, où Nathalie Delon continuait à habiter, et on le disait, très intime avec l'actrice. Les époux Delon, ils n'ont pas encore divorcé, sont entendus par la police. Ils confirment que Stéphane Markovitch était un de leurs proches, mais ils ignorent tout des causes éventuelles de sa mort. D'ailleurs, lorsque Markovitch a été tué, Delon se trouvait sur la Côte d'Azur où il tournait un film, La Piscine, dirigé par Jacques Deray. Premier coup de théâtre. À Rome, une très belle jeune femme, Zorica Milosevic, se manifeste. C'est la sœur d'un certain Milos, un Yougoslave qui a occupé les mêmes fonctions que Markovitch auprès de Delon. Mais Milos est parti pour les États-Unis, où il a séduit Barbara, la femme de l'acteur Mickey Rooney. Quelque temps plus tard, on a retrouvé les corps sans vie de Barbara et de Milos. Double suicide, double meurtre, assassinat suivi d'un suicide, curieusement, l'enquête n'a jamais abouti et c'est Alain Delon qui a payé les obsèques de Milos. La belle Zorica, apprenant la mort de Markovitch, accuse. Markovitch savait la vérité sur la mort de mon frère Milos. On l'a exécuté pour l'empêcher de parler. Les policiers poursuivent leur enquête et découvrent une nouvelle piste. En interrogeant un Yougoslave incarcéré pour une autre affaire, ils apprennent que Stéphane Markovitch avait une sorte de spécialité. Il organisait des parties fines au cours desquelles il prenait des photographies. Des photos dont il devait ensuite se servir pour faire chanter les acteurs malgré eux de ses soirées câlines. C'est à partir de ce moment que l'affaire Markovitch va prendre sa vraie dimension, car bientôt, on va parler du couple Pompidou. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Mais pour commencer, que savait-on de Stéphane Markovitch ? Pas grand-chose de bien. D'accord, mais encore. Markovitch, qui avait une trentaine d'années lorsqu'il est mort, était entré clandestinement en France 10 ans plus tôt. Dès son arrivée, il écume les stations de sport d'hiver à la mode. Dans quel but ? Markovitch vide ses charmes. Gigolo. Oui. Enfin, il prétend être photographe, mais en réalité, c'est les dames un petit peu mûres qu'il préfère. Les dames, peut-être aussi les messieurs. Ah. Enfin bon, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que grâce aux relations qu'il se fait dans ce beau monde, Markovitch approche les milieux du cinéma. Doublure, photographe de plateau, il grappille à droite et à gauche, multiplie les petites escroqueries, se livre au chantage et finit par rencontrer Alain Delon. Ouais. Delon, à l'époque, hein, c'est une énorme vedette. Oui, c'est juste. Ouais. Et franchement, on peut se demander pourquoi l'acteur s'en tiche de cet aigre-fin au point d'en faire un de ses familiers. Delon, qui avait eu une jeunesse aventureuse, se plaisait à fréquenter quelques personnages du milieu. Les Guérini, en particulier. Mm-hmm. On l'a vu en photo avec les Guérini. Mm-hmm. Mais c'est un rapport avec notre affaire ? Non. Non, mais vous qui connaissez bien le monde de la presse, vous imaginez bien que dès que le nom de Delon est prononcé, ce fait divers subalterne, comme aurait dit le général, excite les curiosités. Et les auditions de l'acteur, de son épouse, donnent lieu à d'extraordinaires parties de cache-cache entre les journalistes et les Delon. Mm-hmm. Mais l'enquête elle-même... J'y viens. D'abord, il y a une surprise de taille. Je ne sais plus pour quelle raison on pratique une contre-autopsie du corps de Markovitch. Et on découvre que le Yougoslave a été tué par balle. Et on ne s'en était pas aperçu lors de la première autopsie. Non, non, aussi étonnant que ça puisse paraître. Les médecins légistes avaient négligé de faire une radio du crâne et s'étaient contentés de décrire les blessures apparentes au visage. Mais ça changeait quoi, la découverte de cette balle ? Ben, ça accréditait incontestablement la thèse du règlement de compte entre voyous. Et justement, les policiers découvrent que Markovitch aurait été mêlé à un trafic de fausses héroïnes. Ouais, expliquez. Oh, c'est une arnaque classique. Au lieu de vous vendre de l'héroïne, on vous refile de l'amidon ou toute autre poudre blanche, du sucre, du talc ou du bicarbonate. Et Markovitch aurait tenté ce coup-là ? Oui, avec un autre yougoslave. Et pour une belle quantité, plus de 5 kilos. Les truands détestent se faire truander. Ça. Donc Markovitch, tout naturellement, aurait pu être victime d'une vengeance. Exactement. Et un premier nom apparaît. On parle d'un certain François Marc-Anthony. Ça, je me souviens. Ouais. Un personnage haut en couleur, truand, repenti, enfin c'est du moins ce qu'il affirme. Marc-Anthony reste une figure du milieu et ce retraité qui porte beau vit confortablement entre deux tables de poker et les bars feutrés où il rencontre ses amis. À noter que lui aussi connaît Delon. Ah ben, décidément. Oui, mais pour cette affaire de fausse drogue, Marc-Anthony est mis hors de cause. Rassurez-vous, il ne va pas tarder à réapparaître, parce qu'un témoin surprise va surgir. Qui est-ce, celui-là ? Encore un Yougoslave, Uros Milicevic, un ami de Markovitch. Voilà. Un voyou, lui aussi ? Oh, sans aucun doute. Uros fait des déclarations très troublantes à la police. D'abord, il affirme avoir vu Markovitch quelques heures avant sa disparition. Celui-ci lui aurait dit qu'il avait rendez-vous avec un certain Marc-Anthony pour une partie de poker. Et Uros aurait effectivement vu Markovitch monter dans un taxi aux côtés d'un homme qui serait Marc-Anthony. Donc on s'intéresse de nouveau à Marc-Anthony. Bien sûr, d'autant qu'Uros ajoute que son ami Markovitch lui avait confié qu'il se sentait en danger. Il lui avait même remis une lettre destinée à son frère. Si tu ne me revois pas, envoie la lettre. Mais on sait ce que contenait cette lettre ? Oui. Markovitch l'avait lu à Uros. Il disait que s'il lui arrivait des ennuis, il faudrait chercher du côté d'Alain Delon et de Marc-Anthony. Enfin, une accusation, une double accusation très précise. Et l'enquête est relancée. Marc-Anthony et Delon sont à nouveau entendus. Ils nient, avec la plus grande conviction, toute implication dans l'affaire. Malgré la lettre de Markovitch. Oui, mais le mal est fait. Et dans l'ombre, on prépare un plan machiavélique. En somme, c'est l'affaire dans l'affaire, et ses conséquences vont être terribles. Je crois honnête de vous communiquer une déclaration faite par Alain Delon à une agence américaine alors qu'il venait d'être mis en cause par Uros Milicevic. L'acteur y affirme qu'il n'a rien à se reprocher, si ce n'est, peut-être, une trop grande confiance. Déplorant la campagne de rumeurs, ragots et sous-entendus dont il est la victime, il éclaire la nature de ses rapports avec Stefan Markovitch, qu'il avait recueilli à la demande de son ancien garde du corps, Milos Milosevic, celui qu'on a retrouvé mort aux côtés de la femme de Mickey Rooney. Delon déclare, je le cite, « J'ai fait de même pour d'autres hommes qui, comme lui, n'avaient plus de patrie. Je l'ai aidé matériellement et moralement. Quand il a été dans l'ennui, c'est moi seul qu'il a été sollicité et moi seul qu'il l'ait secouru. Je ne regrette rien. » L'acteur déclare encore qu'il a vu Markovitch pour la dernière fois, un mois et demi avant sa disparition. Toutefois, il est récemment intervenu pour que le Yougoslave obtienne le renouvellement de son permis de séjour. Markovitch lui a téléphoné pour le remercier. Pourquoi, dans ces conditions, dit Delon, Stéphane aurait-il, dans les dernières semaines de sa vie, conçu de la suspicion à mon égard, sans éprouver à aucun moment le besoin de s'en ouvrir à moi? Et Delon d'ajouter, j'ai également peine à croire que Stéphane ait été le pourvoyeur de soirées de débauche auxquelles auraient été associés des hommes politiques. Les hommes politiques. Nous y voilà enfin. Écoutons la suite de l'interview de M. X. Alors l'affaire dans l'affaire, qu'est-ce que c'est? Très vite, au cours de cette enquête touffue, complexe, on murmure que Stéphane Markovitch, garde du corps, petit trafiquant, pourvoyeur de drogue, familier des soirées du Tout Paris, aurait arrondi ses revenus en pratiquant le chantage. Quel genre de chantage? Je vous rappelle que Markovitch avait un petit talent de photographe. Eh bien, il organisait des réunions très déshabillées, profitait de l'enthousiasme de ses invités pour faire des photos à leur insu. L'enthousiasme, j'aime beaucoup. Enfin, bon, vous pensez que c'était vrai? Je n'en sais rien. Là, je ne comprends plus. Mais si. Qu'il ait vraiment organisé des soirées et pris des photos, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on le dise. Parce que ça va permettre à certains de bâtir toute une construction mensongère, une véritable manipulation. Enfin, là, je vais un petit peu vite. Je voudrais revenir au développement chronologique de l'affaire. Celui qui est donc dans le sale drap, c'est François Marc-Anthony. Oui, à cause de la lettre de Markovitch. Oui. Et aussi parce que son pédigré ne plaide pas en sa faveur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va s'acharner sur lui. Et bien que le chauffeur de taxi qui l'aurait transporté, lui et Markovitch, ne le reconnaissent pas, c'est à l'évidence Marc-Anthony qui est le suspect numéro un pour la police et le juge d'instruction. Et on découvre que l'ancien truand possède une maison située pas très loin de la décharge où l'on a retrouvé le corps de Markovitch. Encore une coïncidence. Oui, Marc-Anthony a beau dire, vous pensez bien que si j'avais tué le Yougoslave, je n'aurais pas été jeter son corps près de mon domicile. Je suis quand même pas stupide. Mais les enquêteurs ne le croient pas et le truand est incarcéré et sa maison perquisitionnée. Et tout ça, ça donne quelque chose? Bon, on trouve d'abord des armes. Mais Marc-Anthony écorche, n'est-ce pas? On découvre surtout que l'ancien voyou a récemment acheté un matelas. Bon, je vous le rappelle, le corps de Markovitch était dissimulé dans un sac en jute et une housse en plastique ayant servi à emballer un matelas. La police triomphe. Ah, c'est la preuve qui manquait pour confondre Marc-Anthony. Oui. Mais pas de chance, malgré de nombreuses expertises, on ne pourra jamais établir que cette housse et ce sac ont servi à envelopper le matelas tout neuf de l'ancien truand. Mieux, on ne pourra pas faire entrer le matelas de Marc-Anthony dans le sac du crime. Et vous le savez sans doute, après avoir été détenu pendant plusieurs mois, le Corse, seul inculpé dans cette affaire, finira par bénéficier d'un non-lieu, bien des années plus tard. Donc on ne connaîtra jamais le nom du véritable assassin de Markovitch? Non. Mais avant de vous parler de l'affaire dans l'affaire, comme je vous ai dit précédemment, je dois encore évoquer ce Yougoslave, Uros Milicevic. Ce type, à l'évidence, n'avait pas la conscience tranquille. La preuve, c'est qu'aussitôt après avoir accusé Marc-Anthony, il a fait la belle. Il est allé où? Chez lui, en Yougoslavie. Mais vous dites qu'il n'avait pas la conscience tranquille. On peut aussi concevoir qu'il avait peur. Marc-Anthony, j'imagine, avait beaucoup d'amis. Oui, pas mal. Et des gens pas très commodes. Mais il ne s'agit pas de ça. Alors, de quoi, alors? Uros, c'est certain, connaissait une partie de la vérité. De la vérité sur l'identité du ou des assassins de Markovitch? Oui. Et il avait trouvé plus prudent de trouver refuge en Yougoslavie. En 1975, 7 ans donc après la mort de son ami Markovitch, Uros fait sa réapparition en France. A-t-il été menacé? Est-il sur le point d'être rattrapé par les assassins de Markovitch? En tout cas, il se présente à la police française et il avoue le crime. Attendez, il avoue qu'il est le meurtrier de Markovitch? Exactement. Et pour faire bonne mesure, il affirme que François Marc-Anthony est son complice. Je comprends pas ce que ça veut dire tout ça. Je crois que le Yougoslave éprouve soudain le besoin d'être protégé. Où est-on en meilleure sécurité qu'en prison? Oui, parce qu'on l'enferme, bien sûr. Oui, et on l'inculpe. Mais Après cette auto-accusation-là, est-ce qu'il donne une explication à Mobile ? Il raconte une histoire complètement vaseuse. Markovitch n'aurait pas voulu lui prêter un appartement, il l'aurait tué pour cette raison avec l'aide de Marc-Anthony. Oui, ça ne paraît pas très sérieux. Et rapidement, le juge d'instruction qui est en charge de l'affaire choisit de présenter Uros à des psychiatres. Parce qu'il pense qu'il est fou. Exactement. Il le fait interner d'ailleurs après cette expertise psychiatrique. Mais après tout, dans un asile, on est aussi protégé qu'en prison. Malheureusement, tout a une fin, même l'enfermement psychiatrique. Et Uros est remis en liberté. Mais vous avez dit « malheureusement ». Oui, parce que Uros n'a pas longtemps profité de sa liberté. En 1976, on l'a retrouvé dans une chambre d'hôtel en Belgique. Uros ne parlerait plus jamais. On lui avait tiré une balle dans la tête. Et à votre avis, là, c'est un rapport direct avec l'affaire Markovitch ? À votre avis, à vous. Moi, je sais pas, mais enfin, ça semble improbable. Bon, et l'affaire dans l'affaire, là, on y revient. J'imagine que maintenant, vous allez me parler du président Pompidou. Bien évidemment. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des soirées que Markovitch organisait. Soirées au cours desquelles il aurait pris des photos. C'est là, le point de départ. Mais l'autre élément important, c'est Delon, l'employeur de Markovitch. Pourquoi ? Mais parce que de bonnes âmes se souviennent, à point nommé, que les Pompidou qui aiment fréquenter les artistes connaissent forcément les Delon. Il n'en faut pas plus pour faire un montage dévastateur. Vous l'avez deviné, nous allons revenir avec M. X sur l'implication des Pompidou dans l'affaire Markovitch. Le futur président, on le sait, a été blessé par la campagne qui l'a mise en cause, même s'il a soigneusement évité d'en parler publiquement. J'ai pourtant trouvé dans les souvenirs posthumes de Georges Pompidou, pour rétablir une vérité, paru en 1982, une brève allusion à l'affaire Markovitch. Il écrit « En secret, j'en ai eu maintes preuves, on continuait à chercher les documents ou les témoignages qui pourraient nous compromettre, ma femme et moi. Les agents du SDEC jouaient en ordre dispersé un rôle mal défini. » Le SDEC, qui, selon M. X, a effectivement été mêlé à cette affaire. Bon, une question d'abord, là. Quels sont les instigateurs de ce montage, comme vous dites ? Je vous le dirai tout à l'heure. Autre chose, est-il vrai que les Pompidou et les Delon étaient liés ? Ils se connaissaient, c'est sûr. Peut-être même leur était-il arrivé de dîner ensemble. Mais ils n'étaient pas intimes. Et pourtant, très vite, la rumeur enfle. Elle est insidieusement distillée dans la presse. Non seulement les Pompidou et les Delon étaient à tu et à toi, mais Madame Pompidou aurait participé à ces soirées très spéciales organisées par le garde du corps de l'acteur. Vous dites bien qu'il s'agit de rumeurs. Oui, oui. On parle d'un carnet retrouvé chez Markovitch. Carnet où aurait été notée l'adresse des Pompidou. Ça vous paraît vraisemblable, ça ? Non, non. Je sais par expérience qu'il y a des spécialistes pour fabriquer des carnets truqués. On dit aussi que la police a trouvé un témoin. Encore un Yougoslave, comme par hasard. Et encore un voyou. Il affirme que la femme de l'ancien Premier ministre fréquentait les soirées de Markovitch. Et là, personnellement, qu'en pensez-vous ? Bon, il me paraît évident que ce type a été suborné. Il était en prison lorsqu'il a témoigné. On lui a peut-être même promis une remise de peine ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça ne suffit pas. Et on chuchote que des photos ont été prises. Des photos pornographiques qui vont commencer à circuler sous le manteau où l'on voit Madame Pompidou. Et ces photos Des faux, des montages, bien sûr, des montages photographiques immondes. Mais cette fois, je vous le jure, le but est atteint. Et le scandale va immanquablement éclater. Il faut d'ailleurs remarquer que les seuls à ne pas être au courant sont les Pompidou. Attendez, avant d'aller plus loin, là, vous pouvez me dire quels ont été les acteurs de cette manipulation ? Des hommes du SDEC. Du SDEC ? Vous les connaissez ? Bien évidemment. Je peux même vous dire qu'ils appartenaient à la base Paris du SDEC, c'est-à-dire le service 6, et que la plupart ont été ultérieurement virés. À cause de l'affaire Markovitch ? Bien entendu. Bon, revenons à ce que vous me disiez. Le but est atteint, mais quel but ? Le général de Gaulle en personne est informé. Que lui dit-on ? On lui dit, avec une certaine prudence, que le nom de Pompidou apparaît dans le dossier d'une affaire criminelle peu ragoûtante, l'affaire Markovitch. Et comment réagit le général ? Très bizarrement. Expliquez-moi ça. Eh bien, d'après ce que nous avons pu apprendre, il a feuilleté le dossier qu'on lui a apporté, puis il a demandé qui est au courant. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas étonné, quoi. Il n'a pas dit qu'il était impossible que son ancien Premier ministre soit mêlé à une telle affaire. Apparemment, non. Curieux, en effet. J'ajoute, mais c'était un secret de polichinelle, que le général de Gaulle appréciait fort peu que son ancien Premier ministre fréquente aussi assidûment les milieux artistiques dans le vent. Pour quelle raison ? Bon, allez savoir. question d'âge ou d'éducation peut-être. Pour De Gaulle, un homme politique éminent se devait de veiller à ses fréquentations et éviter de se mêler à une société frivole, les Zazous. Eh oui, que voulez-vous, De Gaulle ne pouvait pas innover dans tous les domaines. Il était de son siècle et de sa classe sociale. D'accord, mais alors, ensuite, que se passe-t-il? Rien, presque. C'est-à-dire? Le général réunit son premier ministre, Coupe de Murville, son ministre de l'Intérieur, Marcelin, et son garde des Sceaux, Capitan. Et c'est ce dernier qui donne le ton. Surtout, ne laissons pas cette affaire entre les mains de la police. Saisissons la justice. Saisissons la justice, ça signifie que, sous prétexte de traiter correctement l'affaire, on va donner une résonance tout à fait nouvelle et officielle aux rumeurs contre les Pompidou. Hein. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Capitan, nul ne l'ignore, est un adversaire de Pompidou. Or, la succession du général de Gaulle est au bout du chemin. Et on y songe, oui, on y songe déjà en 68. Hein. Mais bien sûr. Le général de Gaulle est sorti épuisé des événements de mai 68. Il a en perspective un référendum difficile. S'il le perd, il se retirera. La succession est donc ouverte, même si personne n'ose le dire à voix haute. Or, incontestablement, il n'y a qu'un dauphin, Pompidou. Donc ses adversaires vont essayer de l'abattre. Évidemment, et ils vont se servir de l'affaire Markovitch. Oui, ça se comprend, même si c'est moralement condamnable. Mais l'intérêt du général... Je ne peux faire que des suppositions. Mais au fond, je pense que le général n'était pas mécontent de donner une petite leçon à Pompidou, en lui rappelant qu'il n'y avait qu'un patron, lui-même. Et je crois que le fait que Pompidou avait déjà revêtu l'habit du successeur en louant des bureaux, en commençant à composer son équipe, bref, en se préparant, a dû profondément agacer le général. Oui, mais enfin, c'était aussi extrêmement dangereux pour le général lui-même. Ouais, vous avez raison, mais je crois que le général n'a pas mesuré tout à fait les dégâts que causerait cette affaire. Car Pompidou apprend enfin la vérité. Bien entendu, comme dans les histoires de Cocu, il est le dernier à savoir. C'est un coup terrible pour lui, parce que ça veut dire que De Gaulle l'a lâché. Pourtant, il me semble me souvenir que le général va quand même faire un geste en direction de Pompidou. Oui, une invitation à dîner du couple Pompidou à l'Élysée. Mais il est trop tard. C'est un véritable fleuve de boue qui se déverse sur les Pompidou. Et la justice saisie par René Capitan, traîne les pieds, permettant ainsi indirectement d'alimenter les soupçons et les ragots. N'oubliez pas que l'avocat de Marc Anthony ira jusqu'à demander la comparution de Georges Pompidou devant le juge d'instruction. Alors l'ancien Premier ministre va riposter à son tour. Et la brouille avec le général sera définitive. Oui, vous voulez parler de la fameuse déclaration de Rome. Oui, oui. Pompidou, en accord avec le général de Gaulle d'ailleurs, commence une sorte de tournée à l'étranger. Une tournée destinée à lui donner une carrure internationale, comme on dit. Pompidou se trouve donc à Rome. Un journaliste lui parle de la succession. D'habitude, Pompidou répond avec circonspection et déférence. Ça ne pas fâcher le général. Bien sûr. Alors, cette fois-ci, Pompidou franchit le Rubicon. Et cigarette au bec, comme son habitude, il déclare en substance avec son fameux sourire « Mais bien entendu, ce n'est un mystère pour personne que je serai candidat. » À l'Élysée, cette déclaration fait l'effet d'une bombe. C'est au tour du général d'être blessé, mortellement blessé. Oui, parce que ça laisse entendre que Pompidou ne serait pas fâché de voir le général ne pas terminer son mandat. Oui. Vous pesez bien maintenant les dégâts causés par l'affaire Markovitch. Les instigateurs de la manipulation ont réussi à brouiller De Gaulle et son successeur naturel. Ils ont sali l'image de ce dernier et bientôt, malgré eux, ils vont provoquer une purge dans les services secrets. Une purge qui va durablement les affaiblir. Car Pompidou, dès qu'il va être élu après l'échec du référendum, va se venger. Et il aura la dent dure. Joli résultat, n'est-ce pas? Et vous m'avez dit que les acteurs de la manipulation étaient des agents du SDEC. Oui. Et des gens qui, à leur tour, après leur éviction, essaieront de se venger, provoquant ainsi de nouvelles catastrophes. Mais si vous voulez bien m'entendre à nouveau, nous en parlons un jour. Ouais. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était les acteurs. Mais les instigateurs. Des gaullistes. Donc des gens qui ont tiré contre leur propre corps. Oui, oui, mais que voulez-vous, ces gaullistes détestaient Pompidou. En fait, ils le soupçonnaient de ne pas être assez gaulliste et de vouloir trahir la pensée du général dès son élection. Vous avez des noms? Je les connais, oui. Je cherchais donc du côté des gaullistes de gauche de l'époque. Et vous ne serez pas très loin de la vérité. Et Capitan, le garde des Sceaux? Paix à son âme. Vous ne voulez pas en dire plus? Non. Mais l'affaire Markovitch, alors? Un simple support à partir duquel on a monté la machination. Et pourquoi Markovitch a-t-il été tué, assassiné ? Oh, à mon avis, il s'agit d'un vulgaire règlement de compte entre voyous. Markovitch a reçu une sévère correction, tellement sévère, que ses agresseurs l'ont pratiquement tué. Et la balle qu'on a retrouvée dans son crâne, c'est le coup de grâce. Alors, c'est donc la vérité, la banale vérité. Je le crois, oui. Enfin, allez savoir. Tenez, pourquoi n'a-t-on jamais cherché à savoir pourquoi Markovitch avait rencontré Oufkir 2 jours avant sa disparition ? Attendez, Oufkir, le général de l'affaire Ben Marca ? Lui-même. C'est assez étonnant, non ? Dans son excellent livre « Le duel de Gaulle-Pompidou », Philippe Alexandre donne une bonne relation de l'affaire Markovitch telle qu'elle a été vécue à l'Élysée et chez les Pompidou. Par ailleurs, dans un numéro de septembre 1975 du magazine Le Point, le Premier ministre de l'époque, enfin au moment de l'affaire, Maurice Couve-de-Mirville, a fait une étonnante déclaration à propos de cette affaire, déclaration qui confirme la version de M. X. Je cite l'ancien Premier ministre. « Georges Pompidou m'en a voulu de cette histoire, et il a eu tort. L'affaire Markovitch n'est qu'une affaire de police. Dès que je l'ai apprise, j'ai téléphoné au ministre de l'Intérieur en lui demandant de me tenir au courant. Je suis allé à l'Élysée avec le garde des Sceaux. Nous avons informé De Gaulle. Nous étions tous bouleversés. Pas une seconde, il n'est venu à l'esprit d'aucun de nous trois qu'il pût y avoir quelque chose de vrai dans cette accusation. » Il était évident qu'un complot politique s'amorçait contre Pompidou et, peut-être au-delà de lui, contre le général. C'est ce dernier qui m'a demandé d'avertir Pompidou. J'avoue ne pas avoir eu le courage de le faire moi-même. Nous avons choisi Sommevieille, chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. Couve-de-Mirville dit encore que l'affaire était partie de certains milieux gaullistes. Il ajoute. Elle a été ensuite orchestrée par tout ce qui était anti-gaulliste en France. Cependant, l'ancien Premier ministre admet que le principal opposant, François Mitterrand, a eu dans toute cette affaire une attitude d'extrême correction. Et enfin, il termine étrangement, je le cite à nouveau. « Il y a d'autres anti-gaullistes, certains plus à droite, d'autres qui se proclament de gauche. Je ne peux guère en dire plus. Il y a des gens qui ont le goût du complot. » Pour ma part, je connais au moins un homme qui sait la vérité. Il s'agit de Michel Jobert, ancien collaborateur du président Pompidou, qui m'a confié personnellement détenir un petit carnet qui ne le quitte jamais. Un carnet sur lequel sont notés le nom des hommes qui ont voulu abattre Pompidou à la faveur de cette affaire Markovitch. À samedi prochain.